Chapitre 12e. Aurora s'ennuie. Tandis qu'à Paris, dans une commune pensée humanitaire, l'ingénieur Arsène Golbert et ses amis fêtaient l'invention de l'accumulateur psychique, à Chicago, dans son palais somptueux de la 7e avenue, William Boltin prenait connaissance d'un volumineux dossier que Harry Madge lui-même venait de lui apporter quelques instants auparavant. Le président de la Société des milliardaires américains ne se souvenait pas d'avoir jamais été aussi heureux. Son visage osseux, aux pommettes saillantes et colorées, n'avait pas ce soir-là son habituelle expression de froideur et d'impassibilité. Le milliardaire ne riait pas, ne souriait même pas. Mais à la vivacité de son regard, à l'imperceptible tremblement de ses narines, on devinait une évidente satisfaction. Il parcourait, avec avidité, les feuilles du dossier qu'il avait posé devant lui sur son vaste bureau, et ce qu'il lisait semblait l'intéresser au plus haut degré. Depuis plus d'une heure, il ne s'était pas distrait une seule minute de son examen. Après avoir hâtivement parcouru tous les feuillets, il les reprit les uns après les autres, les relut attentivement. Sa physionomie se détendait, son regard brillait davantage à mesure qu'il avançait dans son travail. Lorsqu'il eut terminé, il serra soigneusement le dossier dans un grand coffre-fort en fer forgé, aux ciselures d'argent massif, et dont la clé ne le quittait jamais. « Allons, » murmura-t-il à mi-voix, « Harry Madge est décidément un homme merveilleux, et ses hypnotiseurs font de la bonne besogne. Ce dossier arrive à point. Je commençais à douter et à perdre patience. Voilà 3 mois bientôt que Jonas et Smith Altidore sont partis pour l'Europe avec leurs hommes, et je n'avais encore rien vu venir. Enfin, je n'ai pas attendu en vain. » William Boltin appuya sur un timbre électrique. « Stephen, » demanda-t-il au majordome qui parut aussitôt, « où est Miss Aurora ?»« Dans ses appartements, monsieur. Elle n'en est pas encore sortie aujourd'hui. »« Comment ? Elle n'est point allée faire sa promenade au parc ce matin, ainsi qu'elle en a l'habitude ?»« Non, monsieur. » « Eh bien, faites-lui demander par une femme de chambre si elle veut me faire le plaisir de m'accompagner aux abattoirs. » Le majordome se retirait. « Ou plutôt non, n'en faites rien, » se reprit William Boltin. « Pour n'être pas encore sortie de chez elle, il faut qu'elle soit malade, ou qu'elle s'ennuie. Je vais aller lui demander moi-même de m'accompagner. » Pour William Boltin, sa fille était toujours restée Miss Aurora. Malgré son mariage, il n'avait jamais consenti à dire « madame » en parlant d'elle, et depuis que le divorce avait été prononcé entre Aurora et l'ingénieur Olivier Coronal, il la traitait tout à fait comme une jeune fille, comme si elle n'eût jamais cessé d'habiter sous son toit. « Bonjour, Aurora, » dit-il, en pénétrant dans le petit salon meublé à l'oriental, où, à demi étendue sur un sofa, la jeune femme jouait négligemment de l'éventail. « Bonjour, mon père, » fit-elle en se soulevant pour lui tendre la main. « Que me veux-tu ? » « Eh bien, » dit-il avec tendresse en l'examinant, « que signifient ces yeux cernés, cette mine mélancolique ? Tu n'es pas allé faire ta promenade ce matin ? Qu'as-tu donc ? Te sens-tu malade ? Mais non, pas le moins du monde, je m'ennuie, voilà tout, » répondit Aurora en relevant négligemment les manches du peignoir mauve qu'elle portait. « Je n'ai rien d'autre, je t'assure. » « Mais tu as cela, et c'est assez pour te rendre malheureuse, » dit le milliardaire en mordant nerveusement sa moustache. « Voyons, » reprit-il, « il ne faut pas rester calfeutré chez toi, à cultiver ton spleen comme une plante rare. Veux-tu venir avec moi en autocar jusqu'aux abattoirs ? Le bruit, l'animation te feront du bien. Tu reviendras moins triste. Non, laisse-moi, mon père. Ne me torture pas, » dit languissamment la jeune milliardaire, en se laissant retomber mollement sur les coussins. « Tu vois, je lis, toute seule. Le monde m'ennuie. J'aime mieux ne pas sortir. » William Boltin, qui jusqu'alors était resté debout, s'assit en face de sa fille et se mit à la contempler en silence. La jeune fille était toujours merveilleusement belle. Son visage, un peu irrégulier, où les lèvres saignaient sur la blancheur à peine rosée de la peau, possédait toujours ce charme étrange que lui communiquaient ses grands yeux verts, dont la limpidité se troublait parfois sous l'influence des sentiments intérieurs. Cependant, depuis son divorce, Aurora avait beaucoup changé. La souffrance, l'ennui avaient mis leur sceau sur son visage d'une façon à peine perceptible, il est vrai, mais qui n'avait pas échappé à William Boltin. C'était surtout au moral qu'Aurora avait subi une transformation. elle, jusqu'alors orgueilleuse à l'excès, vaniteuse de ses toilettes, de ses bijoux, et généralement despotique à l'égard de tous ceux qui l'approchaient, elle semblait maintenant se désintéresser de tout et n'avoir plus aucune volonté. Aurora avait des mélancolies subites, des accès de spleen, où elle ne voulait voir personne. Elle ne désirait rien qu'être seule, pour se souvenir et pleurer. La fière milliardaire regrettait Olivier Coronel. « Mais dites-moi donc que tu veux quelque chose ?» reprenait William Bolton d'une voix suppliante. « Parle, agis, cours les magasins, dépense 100 000 $ si cela te fait plaisir. Remue l'hôtel de fond en comble si tu veux, et arrange-la à ta guise si le mobilier te déplaît. Que je m'aperçoive au moins que tu vis, au lieu de savoir que tu restes là, seul, à t'ennuyer, à te consumer dans la tristesse. Avoue que tu me fais souffrir, » continua-t-il, en voyant qu'Aurora restait immobile et muette. « Dernièrement, tu as voulu partir en voyage. J'ai quitté mes affaires, j'ai tout abandonné pour t'accompagner. À peine avons-nous été à bord de notre yacht qu'il a fallu revenir. Tu t'ennuyais. Ici, maintenant, le spleen t'a reprise. Tu ne t'intéresses même plus à mes travaux, au but que je poursuis depuis tant d'années et que je vais atteindre, sans que tu m'aies seulement demandé une fois depuis un mois où en sont les événements. » Le milliardaire, dont l'énervement croissait de minute en minute, se mit à arpenter le salon à grands pas. « Mais, mon père, moi aussi, je souffre !» s'écria Aurora, en s'efforçant de retenir ses sanglots. « Vous êtes trop cruel de ne pas vouloir le comprendre et de me torturer avec vos questions et vos remontrances inutiles. »« Oui, je sais. » repartit amèrement William Bolton. « Tu l'aimes toujours, n'est-ce pas ? Cet Européen maudit qui m'a pris ton cœur. Tu l'aimes davantage encore depuis votre séparation. Crois-tu que je ne le vois pas, ta conduite, à l'ennui dont tu souffres et dont rien ne peut te tirer ? Ah, si j'avais pu prévoir ! » ajouta-t-il en se remettant à marcher à travers le salon. « Et j'étais assez faible en consentant à ce mariage. J'aurais dû le faire exécuter sommairement, cet Olivier Coronel, lorsqu'il était entre mes mains à Mercury Park. Oh, mon père ! » protesta la jeune femme avec douleur. « Je vois bien que vous ne m'aimez plus. » Une heure après, lorsqu'il sortit du salon, William Bolton avait vu sa fille lui sourire. Mais au prix de quel sacrifice pour son orgueil ! Il avait dû lui promettre de faire avec elle un voyage en Europe. Il regagna son cabinet de travail, dans un tel état de surexcitation qu'il ne pensa même plus à faire ce jour-là sa quotidienne visite à ses usines de conserve. Le lendemain matin, le grand salon de l'hôtel Bolton, où les colonnes de métal s'ornaient de têtes de bœufs dorés, vit une nouvelle réunion des milliardaires convoqués par télégramme. C'était la première assemblée générale depuis le départ des hypnotiseurs pour l'Europe. Or, depuis 3 mois que Harry Madge et William Bolton n'avaient rien voulu dire à ce sujet, tous les milliardaires brûlaient du désir de connaître les résultats de la campagne d'espionnage politique. Pas un ne manquait à l'appel. Ce fut Harry Madge qui prit le premier la parole. « Gentlemen, je commence tout d'abord par vous remercier de la confiance que vous avez bien voulu me témoigner depuis plusieurs mois. Et je vais tout de suite vous mettre au courant des résultats de notre entreprise de renseignement politique. » Il y eut un murmure d'approbation. Chacun se cala dans son fauteuil. On écouta attentivement. Après avoir promené sur tous les assistants son regard incisif et chargé de volonté, le spirit reprit. Voici quelle est exactement la situation. Après un siècle de paix et de labeur commercial et industriel, qui a fait de nous autres Américains les plus grands producteurs du globe, le moment est enfin venu pour les États de l'Union de pouvoir s'assurer des colonies. Les territoires, pourtant immenses, de notre pays ne nous suffisent plus. Il faut de nouveau déboucher à notre activité. Nous sommes le peuple du monde le plus énergique, le plus actif, le plus intelligent dans notre façon de comprendre la vie. L'univers doit nous appartenir, il nous appartiendra. Nous avons formé ce vaste projet de conquérir l'Europe, de même que jadis elle a conquis l'Amérique. Ce sera notre revanche, et nous sommes sur le point de l'avoir. En achetant Mercury Park, le gouvernement Yankee s'est décidé à en faire le plus puissant arsenal qu'on ait jamais vu. Un accord tacite existe maintenant entre notre société et la Chambre des représentants de Washington. La guerre est décidée, elle ne saurait tarder à éclater. » Harry Madge se tut de nouveau pendant quelques minutes, comme pour juger de l'effet produit par ses paroles. Toutes les physionomies étaient attentives. tous les regards étaient fixés sur lui. Il continua. Le bataillon de nos hypnotiseurs n'est pas resté au-dessous de ce que je vous avais promis. Nous sommes à présent en possession de la plupart des plans d'invention, ainsi que des documents intéressant l'organisation militaire de la France. Nos envoyés secrets se sont attaqués au ministère, aux forteresses et aux arsenaux. Ensuite, ce sera le tour de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Russie, dont nous surprendrons également les dispositions militaires, et cela sans péril, sans lutte, rien que par la puissance de lecture à distance de nos hypnotiseurs. On avait écouté Harry Madge dans le plus profond silence. Sans aucune précaution oratoire, l'étrange vieillard, dont la voix sèche, sans timbre et comme effacée lointaine, parvenait à peine aux oreilles de ses auditeurs, avait le don de retenir l'intérêt, de se faire religieusement écouter. Il entr'ouvrait à peine, pour parler, ses lèvres décolorées et si minces qu'on les discernait à peine. Toujours coiffé de son bonnet à boules de métal, vêtu de son ample pardessus d'indéfinissables couleurs, croisant ses longues mains décharnées et couvertes de bagues, il ne laissait pas d'impressionner vivement ses collègues, de leur apparaître comme un être surnaturel et mystérieux. William Bolton prit la parole à son tour, et sommairement, il résuma le dossier resté secret jusque-là. La lecture qu'il fit, de quelques documents de la plus haute importance, provoqua l'enthousiasme général des milliardaires. Philippe Saddam, le gros marchand de forêt, donna le signal des applaudissements, et pendant quelques minutes, ce fut un concert d'acclamations. Gentlemen, dit William Bolton, lorsque l'agitation provoquée par sa lecture se fut un peu calmée, gentlemen, après plusieurs années de persistants efforts, nous touchons enfin au but. Avec les armes dont nous disposons, notre victoire est certaine. L'Europe n'a qu'à bien se tenir. Ainsi que vient de vous le dire l'honorable Harry Madge, la guerre ne saurait tarder à éclater, et voici pourquoi. D'accord avec nous, la Chambre des représentants va voter une loi frappant d'une taxe très élevée tous les produits européens à leur arrivée sur le sol des États-Unis. Le gouvernement français protestera au nom de ses intérêts commerciaux. Nous tiendrons bon. Ou bien les puissances européennes, et en particulier la France, accepteront nos conditions, et alors elles sont nos vassales, elles sont ruinées, ou bien la lutte s'engagera, et vous savez, gentlemen, que toutes les chances de victoire seront pour nous. Nous décuplerons, nous centuplerons même nos fortunes déjà colossales. Nous imposerons partout nos produits. Nous serons les maîtres incontestés du monde. Notre génie pratique pourra se développer librement. L'orgueilleuse Europe, avec ses territoires fertiles et le travail de ses peuples, avec cette intelligence dont elle est si fière, ne sera plus entre nos mains qu'un instrument de richesse, une immense colonie que nous gouvernerons à notre guise et dont nous canaliserons le travail et l'épargne. William Bolton se rassit au milieu d'un tonnerre d'applaudissements. Il promena un regard triomphant sur ses collègues. Tous les visages exprimaient une exaltation, une joie débordante. Les regards brillaient avidement, les mains s'étendaient en avant, comme pour saisir la proie promise. Ah, ils étaient bien tous d'accord, ces Yankees ambitieux et égoïstes. Pas un ne protestait au nom de la civilisation et de l'humanité. Ils allaient enfin pouvoir assouvir leur haine contre l'Europe intelligente et pensante et satisfaire leur convoitise. Ils étaient d'autant plus sûrs du succès qu'ils sentaient que leur coalition représentait une invincible force, celle des milliardaires. William Bolton ne voulut pas laisser partir ses collègues sans avoir bu avec eux à la prospérité de l'Union et à la réalisation de l'entreprise commune. Il donna des ordres. Peu d'instants après, un lunch était servi dans le grand salon qui illuminait des lustres électriques et de hautes torchères de bronze. Il chargea même Stephen de prier Aurora de vouloir bien honorer la réunion de sa présence. Presque aussitôt, le majordome revint dire que la jeune femme priait qu'on l'excusât. William Bolton dissimula son mécontentement. Décidément, sa fille n'était plus la même qu'autrefois. Elle s'éloignait de lui, ne s'intéressait plus à ses projets. En se retirant, les milliardaires traversèrent, conduits par William Bolton, le petit salon où se tenait la jeune femme. Ils la saluèrent et défilèrent, un à un, devant elle, pour lui présenter leurs hommages. « Que ces hommes sont donc laids et vulgaires, » dit-elle, énervée, comme son père venait s'asseoir à côté d'elle après avoir pris congé de ses hôtes. « Je ne trouve pas, » répondit froidement Bolton. « Ce sont d'honorables gentlemen, mes collègues et mes amis. si tu avais assisté à notre réunion, tu aurais sans doute pour eux plus d'estime. Ils ont de la décision et de l'intelligence, à défaut de beauté. Et depuis que nous avons fondé notre société, leur attachement à notre cause ne s'est pas démenti un seul instant. » Il s'interrompit pour lancer un regard à Aurora qui l'écoutait à peine et reprit aussitôt. « Tu n'as pas entendu les éclats de voix et les applaudissements. L'enthousiasme était à son comble. C'est qu'il faut dire aussi que tout nous réussit. Les hypnotiseurs nous ont mis en possession de secrets d'une importance capitale. Le gouvernement Yankee est avec nous. La guerre est décidée. Il y a dans tout cela de quoi nous rendre heureux, que je sache. » William Bolton s'exaltait de nouveau. Son regard métallique prenait une acuité extraordinaire. Aurora ne semblait pas disposée à engager la conversation. « Oh, je sais bien que j'ai tort de te dire tout cela, » reprit son père, en ne dissimulant pas combien cette attitude l'irritait. « Tu te soucies fort peu de moi et de mes travaux. Que j'ai lutté depuis 10 ans pour gagner des banknotes, que j'ai entrepris une affaire gigantesque qui va me donner la puissance d'un empereur, cela t'est bien égal. » Aurora parut faire un effort pour garder son calme. « Mon père, » dit-elle, avec un accent tout à fait triste, « la discussion que vous essayez d'engager est bien inutile. Elle ne changera rien à ce qui existe. Vous me reprochez de ne plus m'intéresser à votre entreprise, c'est vrai. Mais qu'y puis-je faire? Je souffre cruellement, et vous ne voulez pas comprendre qu'une transformation s'est faite dans mon esprit. « Oui, je sais, » répliqua William Bolton irrité. « Ton coronal a exercé sur toi une influence néfaste. Ces idées absurdes d'Européens t'ont fait oublier les sages préceptes que je t'avais jadis inculqués. Quelle différence entre ta conduite à présent et celle que tu avais avant ton mariage ?»« Oh, » dit Aurora, « ne me faites pas de reproches. Je suis maintenant sans volonté. » Et ajouta-t-elle, avec un si poignant accent de désespoir que son père en tressaillit, « j'ai passé à côté du bonheur. » « À qui peux-tu t'en prendre, sinon à toi-même ?»« À moi ? Dites plutôt à vous !» s'écria la jeune femme. « Si vous n'aviez pas été si ambitieux, si vous n'aviez pas sans cesse cherché à croître votre fortune, si vous n'aviez pas tout sacrifié pour arriver à votre but, j'aurais peut-être été heureuse. »« Aurora, » dit froidement le milliardaire, « tu feras tant et si bien que je finirai par ne plus t'aimer. Tu me reproches aujourd'hui d'avoir fait ton malheur, à moi qui ne t'ai jamais rien refusé? N'ai-je pas satisfait sans maudire tes caprices les plus coûteux et les plus insensés? N'ai-je pas, ce matin encore, consenti à faire avec toi un voyage en Europe? Ah, c'en est trop! Tu m'accuses de t'avoir sacrifié à mon ambition. Est-ce parce que je t'ai accordé la grâce d'Olivier Coronel à Mercury Park? Dis-moi, que s'en est-il suivi? Que nos projets ont été surpris, que Skytown a été détruit et Attison assassiné, que l'assassin lui-même a été dérobé à ma juste vengeance. N'est-ce pas pour toi que je travaille, que j'entasse des millions? Quelle théorie nouvelle vas-tu donc me soutenir aujourd'hui? L'amour de l'humanité, le dédain de l'or peut-être, et toutes les absurdités philosophiques dont se payent les hommes du vieux monde, et que t'a enseigné ton mari? William Bolton était exaspéré. Eh bien, réponds-moi donc. « Ose me répondre et me dire que j'ai tort. » La jeune femme se leva et déclara avec une grande dignité. « Nous perdons notre temps, mon père. J'attendrai qu'il vous plaise que nous allions en Europe, ainsi que vous me l'avez promis ce matin. À présent, ne vous occupez plus de moi. Épargnez-moi le chagrin d'avoir à vous dire des choses que nous ne pourrions oublier ensuite. Et puisque vous ne voulez pas admettre que je puisse aimer, permettez-moi du moins de souffrir en silence. » « Voyons, Aurora, » dit le milliardaire attendri, bien qu'il eût la volonté de rester impassible, « est-ce raisonnable de t'isoler ainsi et de ne pas vouloir écouter mes conseils? Tu sais bien qu'en dehors de toi, je n'aime personne, que tu es ma seule joie. J'avais même à te faire une surprise que depuis 3 mois je te ménage. » « Devine de quoi il s'agit, » ajouta-t-il en venant s'asseoir tout près d'elle et en lui prenant la main. « Vraiment ? S'étonna-t-elle. « Vous m'avez ménagé une surprise ?»« Oui. Et je te connais assez pour savoir que tu vas être contente. Ta rivale, cette Lucienne Goldberg que Ned Addison t'a préférée jadis, elle est en ce moment atteinte d'une maladie dont elle ne soupçonne pas la cause. Les Altidors sont à mon service, et tu sais que la puissance occulte de ces deux hommes est formidable. Avant peu, tu seras vengée. » « Vengée. » reprit Aurora en souriant tristement. « Comment avez-vous pu croire un instant que cette pensée me soit venue ?»« Et quoi ? Vous allez me rendre responsable d'un crime ? Je ne le veux pas. Ces gens sont dans leur pays. J'exige que vous les laissiez en repos et que vous donniez immédiatement des ordres pour qu'on suspende cette œuvre de basse vengeance qui n'est digne ni de vous ni de moi. » William Bolton était stupéfait. Il s'attendait à voir sa fille accueillir avec joie la nouvelle que son ancienne rivale était en danger de mort. Il avait compté sur cette nouvelle pour voir Aurora secouer son ennui et reprendre de l'intérêt à la vie. Et voilà qu'Aurora ne voulait plus de vengeance, voilà qu'elle protestait, elle, l'orgueilleuse et intraitable Yankee, au nom de ses sentiments d'humanité. Le milliardaire ne voulut pas en entendre davantage. « C'est bien, » conclut-il, « je ferai ce que tu voudras. » 8 jours après, Miss Aurora Bolton et son père prenaient à New York le paquebot pour Le Havre.